L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricoux pour audiocité.net. Seconde partie, chapitre 10. Lorsque Pencroff s'était mis un projet en tête, il n'avait et ne laissait pas de cesse qu'il n'eût été exécuté. Or, il voulait visiter l'île Tabor, et, comme une embarcation d'une certaine grandeur était nécessaire à cette traversée, il fallait construire ladite embarcation. Voici le plan qui fut arrêté par l'ingénieur, d'accord avec le marin. Le bateau mesurerait 35 pieds de quille et 9 pieds de bau, ce qui en ferait un marcheur si des fonds et des lignes d'eau étaient réussis, et ne devrait pas tirer plus de 6 pieds, calant d'eau suffisant pour le maintenir contre la dérive. Il serait ponté sur toute sa longueur, percé de 2 écoutilles qui donneraient accès dans 2 chambres séparées par une cloison, et gréé en sloop avec brigantine, trinquette, fortune, flèche, foque, voilure très maniable, amenant bien en cas de grain, et très favorable pour tenir le plus près. Enfin, sa coque serait construite à franc-bord, c'est-à-dire que les bordages affleureraient au lieu de se superposer, et quant à sa membrure, on l'appliquerait à chaud après l'ajustement de ses bordages qui seraient montés sur faux couples. Quel bois serait employé à la construction de ce bateau? L'orme ou le sapin qui abondait dans l'île? On se décida pour le sapin, bois un peu fendif, suivant l'expression des charpentiers, mais facile à travailler, et qui supporte aussi bien que l'orme l'immersion dans l'eau. Ces détails arrêtés, il fut convenu que, puisque le retour de la belle saison ne s'effectuerait pas avant 6 mois, Cyrus Smith et Pencroff travailleraient seuls au bateau. Gédéon Spilett et Harbert devaient continuer de chasser, et ni Nab, ni Maître Jup, son aide, n'abandonneraient les travaux domestiques qui leur étaient dévolus. Aussitôt les arbres choisis, on les abattit, on les débita, on les scia en planches, comme eussent pu faire des sieurs de long. 8 jours après, dans le renfoncement qui existait entre les cheminées et la muraille, un chantier était préparé, et une quille, longue de 35 pieds, munie d'un étambeau à l'arrière et d'une étrave à l'avant, s'allongeait sur le sable. Cyrus Smith n'avait point marché en aveugle dans cette nouvelle besogne. Il se connaissait en construction maritime, comme en presque toute chose, et c'était sur le papier qu'il avait d'abord cherché le gabarit de son embarcation. D'ailleurs, il était bien servi par Pencroff qui, ayant travaillé quelques années dans un chantier de Brooklyn, connaissait la pratique du métier. Ce ne fut donc qu'après calcul sévère et mûre réflexion que les faux couples furent emmanchés sur la quille. Pencroff, on le croira volontiers, était tout feu pour mener à bien sa nouvelle entreprise, et il n'eut pas voulu l'abandonner un instant. Une seule opération eut le privilège de l'arracher, mais pour un jour seulement, à son chantier de construction. Ce fut la 2e récolte de blé qui se fit le 15 avril. Elle avait réussi comme la première et donna la proportion de grains annoncée d'avance. 5 boisseaux, monsieur Cyrus, dit Pencroff, après avoir scrupuleusement mesuré ses richesses. 5 boisseaux, répondit l'ingénieur. Et à 130 000 grains par boisseau, cela fait 650 000 grains. « Eh bien, nous sèmerons tout cette fois, » dit le marin, « moins une petite réserve cependant. »« Oui, Pencroff, et si la prochaine récolte donne un rendement proportionnel, nous aurons 4 000 boisseaux. »« Et on mangera du pain ?»« On mangera du pain. »« Mais il faudra faire un moulin. »« On fera un moulin. » Le 3e champ de blé fut donc incomparablement plus étendu que les 2 premiers, et la terre, préparée avec un soin extrême, reçut la précieuse semence. Cela fait, Pencroff revint à ses travaux. Pendant ce temps, Gédéon Spilett et Harbert chassaient dans les environs et ils s'aventurèrent assez profondément dans les parties encore inconnues du Far West, leurs fusils chargés à balles, prêts à toute mauvaise rencontre. C'était un inextricable fouillis d'arbres magnifiques et pressés les uns contre les autres, comme si l'espace leur eût manqué. L'exploration de ces masses boisées était extrêmement difficile, et le reporter ne s'y hasardait jamais sans emporter la boussole de poche, car le soleil perçait à peine les épaisses ramures, et il eût été difficile de retrouver son chemin. Il arrivait naturellement que le gibier était plus rare en ces endroits, où il n'aurait pas eu une assez grande liberté d'allure. Cependant, trois gros herbivores furent tués pendant cette dernière quinzaine d'avril. C'étaient des koulas, dont les colons avaient déjà vu un échantillon au bord du lac, qui se laissèrent tuer stupidement entre les grosses branches des arbres sur lesquels ils avaient cherché refuge. Leurs peaux furent rapportées à Granite House, et l'acide sulfurique aidant, elles furent soumises à une sorte de tannage qui les rendit utilisables. Une découverte précieuse à un autre point de vue fut faite aussi pendant une de ces excursions, et celle-là, on la dut à Gédéon Spilett. C'était le 30 avril. Les deux chasseurs s'étaient enfoncés dans le sud-ouest du Far West, quand le reporter précédant Harbert d'une cinquantaine de pas arriva dans une sorte de clairière, sur laquelle les arbres, plus espacés, laissaient pénétrer quelques rayons. Gédéon Spilett fut tout d'abord surpris de l'odeur qu'exhalaient certains végétaux à tiges droites, cylindriques et rameuses, qui produisaient des fleurs disposées en grappes et de très petites graines. Le reporter arracha une ou deux de ces tiges et revint vers le jeune garçon auquel il dit « Vois donc ce que c'est que cela, Harbert. Et où avez-vous trouvé cette plante, monsieur Spilett ?»« Là, dans une clairière, où elle pousse très abondamment. »« Eh bien, monsieur Spilett, » dit Harbert, « voilà une trouvaille qui vous assure tous les droits à la reconnaissance de Pencroff. » « C'est donc du tabac ?»« Oui, et s'il n'est pas de première qualité, ce n'en est pas moins du tabac. »« Ah, ce brave Pencroff va-t-il être content ?»« Mais il ne fumera pas tout, que diable, et il nous en laissera bien notre part. » »« Ah, une idée, monsieur Spilett, » répondit Harbert. « Ne disons rien à Pencroff, prenons le temps de préparer ses feuilles, et un beau jour, on lui présentera une pipe toute bourrée. » Entendu, Harbert, et ce jour-là, notre digne compagnon n'aura plus rien à désirer en ce monde. Le reporter et le jeune garçon firent une bonne provision de la précieuse plante, et ils revinrent à Granite House, où ils l'introduisirent en fraude et avec autant de précaution que si Pencroff eût été le plus sévère des douaniers. Cyrus Smith et Nab furent mis dans la confidence, et le marin ne se douta de rien pendant tout le temps, assez long, qui fut nécessaire pour sécher les feuilles minces, les hacher, les soumettre à une certaine torréfaction sur des pierres chaudes. Cela demanda 2 mois, mais toutes ces manipulations purent être faites à l'insu de Pencroff, car, occupé de la construction du bateau, il ne remontait à Granite House qu'à l'heure du repas. Une fois encore, cependant, et quoi qu'il en eût, sa besogne favorite fut interrompue le 1er mai par une aventure de pêche à laquelle tous les colons durent prendre part. Depuis quelques jours, on avait pu observer en mer, à 2 ou 3 milles au large, un énorme animal qui nageait dans les eaux de l'île Lincoln. C'était une baleine de la plus grande taille qui, vraisemblablement, devait appartenir à l'espèce australe dite baleine du Cap. « Quelle bonne fortune ce serait de nous en emparer !» s'écria le marin. « Ah, si nous avions une embarcation convenable et un harpon en bon état, comme je dirais, courons à la bête, car il vaut la peine qu'on la prenne. »« Eh, Pencroff, » dit Gédéon Spilett, « j'aurais aimé à vous voir manœuvrer le harpon. Cela doit être curieux. » Très curieux et non sans danger, dit l'ingénieur. Mais puisque nous n'avons pas les moyens d'attaquer cet animal, il est inutile de s'occuper de lui. Je m'étonne, dit le reporter, de voir une baleine sous cette latitude relativement élevée. Pourquoi donc, monsieur Spilett ? Répondit Harbert. Nous sommes précisément sur cette partie du Pacifique que les pêcheurs anglais et américains appellent le Whale Field, ce qui signifie champ des baleines. Et c'est ici, entre la Nouvelle-Zélande et l'Amérique du Sud, que les baleines de l'hémisphère austral se rencontrent en plus grand nombre. Rien n'est plus vrai, répondit Pencroff. Et ce qui me surprend, moi, c'est que nous n'en ayons pas vu davantage. Après tout, puisque nous ne pouvons les approcher, peu importe. Et Pencroff retourna à son ouvrage, non sans pousser un soupir de regret, car, dans tout marin, il y a un pêcheur, et si le plaisir de la pêche est en raison directe de la grosseur de l'animal, on peut juger de ce qu'un baleinier éprouve en présence d'une baleine. Et si ce n'avait été que le plaisir, mais on ne pouvait se dissimuler qu'une telle proie eût été bien profitable à la colonie, car l'huile, la graisse, les fanons pouvaient être employés à bien des usages. Or il arriva ceci, c'est que la baleine signalée sembla ne point vouloir abandonner les eaux de l'île. Donc, soit des fenêtres de Granite House, soit du plateau de Grande Vue, Harbert et Gédéon Spilett, quand ils n'étaient pas à la chasse, Nab, tout en surveillant ses fourneaux, ne quittait pas la lunette et observait tous les mouvements de l'animal. Le cétacé, profondément engagé dans la vaste baie de l'Union, la sillonnait rapidement depuis le cap Mandibule jusqu'au cap Griffe, poussé par sa nageoire caudale, prodigieusement puissante, sur laquelle il s'appuyait et se mouvait par soubresauts avec une vitesse qui allait quelquefois jusqu'à 12 000 à l'heure. Quelquefois aussi, il s'approchait si près de l'îlot qu'on pouvait le distinguer complètement. C'était bien la baleine australe, qui est entièrement noire, et dont la tête est plus déprimée que celle des baleines du Nord. On la voyait aussi rejetée par ses évents, et à une grande hauteur, un nuage de vapeur ou d'eau, car, si bizarre que le fait paraisse, les naturalistes et les baleiniers ne sont pas encore d'accord à ce sujet. Est-ce de l'air, est-ce de l'eau qui est ainsi chassé ? On admet généralement que c'est de la vapeur qui, se condensant soudain au contact de l'air froid, retombe en pluie. Cependant, la présence de ce mammifère marin préoccupait les colons. Cela agaçait surtout Pencroff et lui donnait des distractions pendant son travail. Il finissait par en avoir envie de cette baleine, comme un enfant d'un objet qu'on lui interdit. La nuit, il en rêvait à voix haute, et certainement, s'il avait eu des moyens de l'attaquer, si la chaloupe eût été en état de tenir la mer, il n'aurait pas hésité à se mettre à sa poursuite. Mais ce que les colons ne pouvaient faire, le hasard le fit pour eux, et le 3 mai, les cris de Nab, postés à la fenêtre de sa cuisine, annoncèrent que la baleine était échouée sur le rivage de l'île. Harbert et Gédéon Spilett, qui allaient partir pour la chasse, abandonnèrent leurs fusils. Pencroff jeta sa hache, Cyrus Smith et Nab rejoignirent leurs compagnons, et tous se dirigèrent rapidement vers le lieu d'échouage. Cet échouement s'était produit sur la grève de la pointe de l'épave, à 3 000 de Granite House et à mer haute. Il était donc probable que le cétacé ne pourrait pas se dégager facilement. En tout cas, il fallait se hâter afin de lui couper la retraite au besoin. On courut avec piques et épieux ferrés, on passa le pont de la Mercy, on redescendit la rive droite de la rivière, on prit par la grève, et en moins de 20 minutes, les colons étaient auprès de l'énorme animal, au-dessus duquel fourmillait déjà un monde d'oiseaux. « Quel monstre ! » s'écria Nab. Et l'expression était juste, car c'était une baleine australe, longue de 80 pieds, un géant de l'espèce, qui ne devait pas peser moins de 150 000 livres. Cependant, le monstre ainsi échoué ne remuait pas et ne cherchait pas en se débattant à se remettre à flot pendant que la mer était haute encore. Les colons eurent bientôt l'explication de son immobilité quand, à marée basse, ils eurent fait le tour de l'animal. Il était mort et un harpon sortait de son flanc gauche. « Il y a donc des baleiniers dans nos parages ?» dit aussitôt Gédéon Spilett. « Pourquoi cela ?» demanda le marin. « Puisque ce harpon est encore là. »« Eh, monsieur Spilett, cela ne prouve rien, » répondit Pencroff. « On a vu des baleines faire des milliers de milles avec un harpon au flanc, et celle-ci aurait été frappée au nord de l'Atlantique et serait venue mourir au sud du Pacifique, qu'il ne faudrait pas s'en étonner. » « Cependant, » dit Gédéon Spilett, que l'affirmation de Pencroff ne satisfaisait pas. « Cela est parfaitement possible, » répondit Cyrus Smith, « mais examinons ce harpon. Peut-être, suivant un usage assez répandu, les baleiniers ont-ils gravé sur celui-ci le nom de leur navire ?» En effet, Pencroff ayant arraché le harpon que l'animal avait au flanc, il lut cette inscription « Maria Stella Vineyard ». Un navire du Vineyard, un navire de mon pays, s'écria-t-il. La Maria Stella, un beau baleinier, ma foi, et que je connais bien. Ah, mes amis, un bâtiment du Vineyard, un baleinier du Vineyard. Et le marin, brandissant le harpon, répétait non sans émotion ce nom qui lui tenait au cœur, ce nom de son pays natal, ce nom d'un port de l'État de New York. Mais, comme on ne pouvait attendre que la Maria Stella vînt réclamer l'animal harponné par elle, on résolut de procéder au dépeçage avant que la décomposition se fît. Les oiseaux de proie qui épiaient depuis quelques jours cette riche proie voulaient sans plus tarder faire acte de possesseur et il fallut les écarter à coups de fusil. Cette baleine était une femelle dont les mamelles fournirent une grande quantité d'un lait qui, conformément à l'opinion du naturaliste Dieffenbach, pouvait passer pour du lait de vache, et, en effet, il n'en diffère ni par le goût, ni par la coloration, ni par la densité. Pencroff avait autrefois servi sur un navire baleinier, et il put diriger méthodiquement l'opération du dépeçage, opération assez désagréable, qui dura 3 jours, mais devant laquelle aucun des colons ne se rebuta, pas même Gédéon Spilett, qui, au dire du marin, finirait par faire un très bon naufragé. Le lard, coupé en tranches parallèles de 2 pieds et demi d'épaisseur, puis divisé en morceaux qui pouvaient peser 1000 livres chacun, fut fondu dans de grands vases de terre, apportés sur le lieu même du dépeçage, car on ne voulait pas empester les abords du plateau de grande vue, et dans cette fusion il perdit environ 1/3 de son poids. Mais il y en avait à profusion. La langue seule donna 6000 livres d'huile, et la lèvre supérieure 4000. Puis, avec cette graisse qui devait assurer pour longtemps la provision de stéarine et de glycérine, il y avait encore les fanons, qui trouveraient sans doute leur emploi, bien qu'on ne portât ni parapluie ni corset à Granite House. La partie supérieure de la bouche du cétacé était, en effet, pourvue sur les deux côtés de 800 lames cornées, très élastiques, de contexture fibreuse, et effilées à leurs bords comme 2 grands peignes, dont les dents, longues de 6 pieds, servent à retenir les milliers d'animalcules, de petits poissons et de mollusques, dont se nourrit la baleine. L'opération terminée, à la grande satisfaction des opérateurs, les restes de l'animal furent abandonnés aux oiseaux, qui devaient en faire disparaître jusqu'au dernier vestige, et les travaux quotidiens furent repris à Granite House. Toutefois, avant de rentrer au chantier de construction, Cyrus Smith eut l'idée de fabriquer certains engins qui excitèrent vivement la curiosité de ses compagnons. Il prit 12 de fanons de baleine, qu'il coupa en 6 parties égales, et qu'il aiguisa à leur extrémité. Et cela, monsieur Cyrus, demanda Harbert, quand l'opération fut terminée, cela servira à tuer des loups, des renards et même des jaguars, répondit l'ingénieur. Maintenant? Non, cet hiver, quand nous aurons de la glace à notre disposition. Je ne comprends pas, répondit Harbert. Tu vas comprendre, mon enfant, répondit l'ingénieur. Cet engin n'est pas de mon invention. Il est fréquemment employé par les chasseurs aléoutiens dans l'Amérique russe. Ces fanons que vous voyez, mes amis, eh bien, lorsqu'il gèlera, je les recourberai, je les arroserai d'eau jusqu'à ce qu'ils soient entièrement enduits d'une couche de glace qui maintiendra leur courbure, et je les sèmerai sur la neige après les avoir préalablement dissimulés sous une couche de graisse. Or, qu'arrivera-t-il si un animal affamé avale un de ses appâts? C'est que la chaleur de son estomac fera fondre la glace, et que le fanon, se détendant, le percera de ses bouts aiguisés. Voilà qui est ingénieux, dit Pencroff. Et qui épargnera la poudre et les balles, répondit Cyrus Smith. Cela vaut mieux que les trappes, ajouta Nab. Attendons donc l'hiver. Attendons l'hiver. Cependant, la construction du bateau avançait, et vers la fin du mois d'août, il était à demi bordé. On pouvait déjà reconnaître que ses formes seraient excellentes pour qu'il tînt bien la mer. Pencroff travaillait avec une ardeur sans pareille, et il fallait sa robuste nature pour résister à ses fatigues. Mais ses compagnons lui préparaient en secret une récompense pour tant de peine, et le 31 mai, il devait éprouver une des plus grandes joies de sa vie. Ce jour-là, à la fin du dîner, au moment où il allait quitter la table, Pencroff sentit une main s'appuyer sur son épaule. C'était la main de Gédéon Spilett, lequel lui dit « Un instant, maître Pencroff, on ne s'en va pas ainsi, est le dessert que vous oubliez. »« Merci, monsieur Spilett, répondit le marin, je retourne au travail. »« Eh bien, une tasse de café, mon ami ?» Pas davantage. Une pipe, alors? Pencroff s'était levé soudain, et sa bonne grosse figure pâlit, quand il vit le reporter qui lui présentait une pipe toute bourrée, et Harbert une braise ardente. Le marin voulut articuler une parole sans pouvoir y parvenir. Mais, saisissant la pipe, il la porta à ses lèvres, puis, y appliquant la braise, il aspira coup sur coup 5 ou 6 gorgées. Un nuage bleuâtre et parfumé se développa, et des profondeurs de ce nuage, on entendit une voix délirante qui répétait « Du tabac! Du vrai tabac !»« Oui, Pencroff, répondit Cyrus Smith, et même de l'excellent tabac. »« Oh, divine providence, auteur sacré de toutes choses !» s'écria le marin. « Il ne manque donc plus rien à notre île !» Et Pencroff fumait, fumait, fumait. « Et qui a fait cette découverte ?» demanda-t-il enfin. « Vous, sans doute, Harbert ?»« Non, Pencroff, c'est monsieur Spilett. »« Monsieur Spilett ?» s'écria le marin en serrant sur sa poitrine le reporter qui n'avait jamais subi pareille étreinte. « Ouf, Pencroff !» répondit Gédéon Spilett en reprenant sa respiration, un instant compromise. « Faites une part dans votre reconnaissance. » À Harbert qui a reconnu cette plante, à Cyrus qui l'a préparée, et à Nab qui a eu bien de la peine à nous garder le secret. « Eh bien, mes amis, je vous revaudrai cela quelques jours, » répondit le marin. « Maintenant, c'est à la vie, à la mort. » Chapitre 11. Cependant, l'hiver arrivait avec ce mois de juin, qui est le décembre des zones boréales, et la grande occupation fut la confection de vêtements chauds et solides. Les mouflons du corral avaient été dépouillés de leur laine, et cette précieuse matière textile, il ne s'agissait donc plus que de la transformer en étoffe. Il va sans dire que Cyrus Smith, n'ayant à sa disposition ni cardeuse, ni peigneuse, ni lisseuse, ni étireuse, ni retordeuse, ni mulgeny, ni self-acting pour filer la laine, ni métier pour la tisser, dut procéder d'une façon plus simple, de manière à économiser le filage et le tissage. Et, en effet, il se proposait tout bonnement d'utiliser la propriété qu'ont les filaments de laine, quand on les presse en tous sens, de s'enchevêtrer et de constituer par leur simple entrecroisement cette étoffe qu'on appelle feutre. Ce feutre pouvait donc s'obtenir par un simple foulage, opération qui, si elle diminue la souplesse de l'étoffe, augmente notamment ses propriétés conservatrices de la chaleur. Or, précisément, la laine fournie par les mouflons était faite de brins très courts, et c'est une bonne condition pour le feutrage. L'ingénieur, aidé de ses compagnons, y compris Pencroff, il dut encore une fois abandonner son bateau, commença les opérations préliminaires qui eurent pour but de débarrasser la laine de cette substance huileuse et grasse dont elle est imprégnée et qu'on nomme le suint. Ce dégraissage se fit dans des cuves remplies d'eau, qui furent portées à la température de 70 degrés, et dans lesquelles la laine plongea pendant 24 heures. On en fit ensuite un lavage à fond au moyen de bains de soude. Puis cette laine, lorsqu'elle eut été suffisamment séchée par la pression, fut en état d'être foulée, c'est-à-dire de produire une solide étoffe, grossière sans doute, et qui n'aurait eu aucune valeur dans un centre industriel d'Europe ou d'Amérique, mais dont on devait faire un extrême cas sur les marchés de l'île Lincoln. On comprend que ce genre d'étoffe doit avoir été connu dès les époques les plus reculées, et, en effet, les premières étoffes de laine ont été fabriquées par ce procédé qu'allait employer Cyrus Smith. Où sa qualité d'ingénieur le servit fort, ce fut dans la construction de la machine destinée à fouler la laine, car elle sut habilement profiter de la force mécanique, inutilisée jusqu'alors, que possédait la chute d'eau de la grève pour mouvoir un moulin à foulon. Rien ne fut plus rudimentaire. Un arbre, muni de cames, qui soulevait et laissait retomber tour à tour des pilons verticaux, des auges destinées à recevoir la laine, à l'intérieur desquelles retombaient ces pilons, un fort bâti en charpente, contenant et reliant tout le système, telle fut la machine en question, et telle l'avait été pendant des siècles, jusqu'au moment où l'on eut l'idée de remplacer les pilons par des cylindres compresseurs et de soumettre la matière non plus à un battage, mais à un laminage véritable. L'opération, bien dirigée par Cyrus Smith, réussit à souhait. La laine, préalablement imprégnée d'une dissolution savonneuse, destinée, d'une part, à en faciliter le glissement, le rapprochement, la compression et le ramollissement, de l'autre à empêcher son altération par le battage, sortit du moulin sous forme d'une épaisse nappe de feutre. Les stries et aspérités dont le brin de laine est naturellement pourvu s'étaient si bien accrochées et enchevêtrées les unes aux autres qu'elles formaient une étoffe également propre à faire des vêtements ou des couvertures. Ce n'était évidemment ni du mérinos, ni de la mousseline, ni du cachemire d'Écosse, ni du stoff, ni du reps, ni du satin de Chine, ni de l'Orléans, ni de l'alpaga, ni du drap, ni de la flanelle. C'était du feutre lincolnien, et l'île Lincoln comptait une industrie de plus. Les colons eurent donc, avec de bons vêtements, d'épaisses couvertures, et ils purent voir venir sans crainte l'hiver de 1866-1867. Les grands froids commencèrent véritablement à se faire sentir vers le 20 juin, et, à son grand regret, Pencroff dut suspendre la construction du bateau qui, d'ailleurs, ne pouvait manquer d'être achevé pour le printemps prochain. l'idée fixe du marin était de faire un voyage de reconnaissance à l'île Tabor, bien que Cyrus Smith n'approuvât pas ce voyage, tout de curiosité, car il n'y avait évidemment aucun secours à trouver sur ce rocher désert et à demi aride. Un voyage de 150 milles, sur un bateau relativement petit, au milieu de mers inconnues, cela ne laissait pas de lui causer quelque appréhension. Que l'embarcation, une fois au large, fut mise dans l'impossibilité d'atteindre Tabor et ne put revenir à l'île Lincoln, que deviendrait-elle au milieu de ce Pacifique, si fécond en sinistres? Cyrus Smith causait souvent de ce projet avec Pencroff, et il trouvait dans le marin un entêtement assez bizarre à accomplir ce voyage, entêtement dont peut-être celui-ci ne se rendait pas bien compte. « Car enfin, lui dit un jour l'ingénieur, je vous ferai observer, mon ami, qu'après avoir dit tant de bien de l'île Lincoln, après avoir tant de fois manifesté le regret que vous éprouveriez s'il vous fallait l'abandonner, vous êtes le premier à vouloir la quitter. »« La quitter pour quelques jours seulement, répondit Pencroff. Pour quelques jours seulement, monsieur Cyrus. Le temps d'aller et de revenir, de voir ce que c'est que cet îlot. » Mais il ne peut valoir l'île Lincoln. J'en suis sûr d'avance. Alors pourquoi vous aventurez? Pour savoir ce qui se passe à l'île Tabor. Mais il ne s'y passe rien. Il ne peut rien s'y passer. Qui sait? Et si vous êtes pris dans quelque tempête? Cela n'est pas à craindre dans la belle saison, répondit Pencroff. Mais, monsieur Cyrus, comme il faut tout prévoir, je vous demanderai la permission de n'emmener qu'Harbert avec moi dans ce voyage. Pencroff, répondit l'ingénieur en mettant la main sur l'épaule du marin, s'il vous arrivait malheur à vous et à cet enfant, dont le hasard a fait notre fils, croyez-vous que nous nous en consolerions jamais? Monsieur Cyrus, répondit Pencroff avec une inébranlable confiance, nous ne vous causerons pas ce chagrin-là. D'ailleurs, nous reparlerons de ce voyage quand le temps sera venu de le faire. Puis, j'imagine que lorsque vous aurez vu notre bateau bien gréé, bien accastillé, quand vous aurez observé comment il se comporte à la mer, quand nous aurons fait le tour de notre île, car nous le ferons ensemble, j'imagine, dis-je, que vous n'hésiterez plus à me laisser partir. Je ne vous cache pas que ce sera un chef-d'œuvre, votre bateau. Dites au moins notre bateau, Pencroff, répondit l'ingénieur, momentanément désarmé. La conversation finit ainsi pour recommencer plus tard, sans convaincre ni le marin, ni l'ingénieur. Les premières neiges tombèrent vers la fin du mois de juin. Préalablement, le corral avait été approvisionné largement et ne nécessita plus de visites quotidiennes, mais il fut décidé qu'on ne laisserait jamais passer une semaine sans s'y rendre. Les trappes furent tendues de nouveau, et l'on fit l'essai des engins fabriqués par Cyrus Smith. Les fanons recourbés, emprisonnés dans un étui de glace et recouverts d'une épaisse couche de graisse, furent placés sur la lisière de la forêt, à l'endroit où passaient communément les animaux pour se rendre au lac. À la grande satisfaction de l'ingénieur, cette invention renouvelée des pêcheurs aléoutiens réussit parfaitement. Une douzaine de renards, quelques sangliers, et même un jaguar s'y laissèrent prendre, et on trouva ces animaux morts, l'estomac perforé par les fanons détendus. Ici se place un essai qu'il convient de rapporter, car ce fut la première tentative faite par les colons pour communiquer avec leurs semblables. Gédéon Spilett avait déjà songé plusieurs fois soit à jeter à la mer une notice renfermée dans une bouteille que les courants porteraient peut-être à une côte habitée, soit à la confier à des pigeons. Mais comment sérieusement espérer que pigeons ou bouteilles puissent franchir la distance qui séparait l'île de toute terre et qui était de 1200 milles? C'eût été pure folie. Mais le 30 juin, capture fut faite, non sans peine, d'un albatros, qu'un coup de fusil d'Harbert avait légèrement blessé à la patte. C'était un magnifique oiseau de la famille de ces grands voiliers, dont les ailes étendues mesurent 10 pieds d'envergure et qui peuvent traverser des mers aussi larges que le Pacifique. Harbert aurait bien voulu garder ce superbe oiseau, dont la blessure guérit promptement et qu'il prétendait apprivoiser. Mais Gédéon Spilett lui fit comprendre que l'on ne pouvait négliger cette occasion de tenter de correspondre par ce courrier avec les terres du Pacifique, et Harbert dut se rendre, car si l'Albatros était venu de quelque région habitée, il ne manquerait pas d'y retourner dès qu'il serait libre. Peut-être, au fond, Gédéon Spilett, chez qui le chroniqueur reparaissait quelquefois, n'était-il pas fâché de lancer à tout hasard un attachant article relatant les aventures des colons de l'île Lincoln? Quel succès pour le reporter attitré du New York Herald et pour le numéro qui contiendrait la chronique si jamais elle arrivait à l'adresse de son directeur, l'honorable John Bennett. Gédéon Spilett rédigea donc une notice succincte qui fut mise dans un sac de forte toile gommée avec prière instante à quiconque la trouverait de la faire parvenir au bureau du New York Herald. Ce petit sac fut attaché au cou de l'Albatros et non à sa patte, car ces oiseaux ont l'habitude de se reposer à la surface de la mer. Puis la liberté fut rendue à ce rapide courrier de l'air, et ce ne fut pas sans quelque émotion que les colons le virent disparaître au loin dans les brumes de l'ouest. Où va-t-il ainsi? Demanda Pencroff. Vers la Nouvelle-Zélande, répondit Harbert. Bon voyage, s'écria le marin qui, lui, n'attendait pas grand résultat de ce mode de correspondance. Avec l'hiver, les travaux avaient été repris à l'intérieur de Granite House, réparation de vêtements, confections diverses, et, entre autres, des voiles de l'embarcation, qui furent taillées dans l'inépuisable enveloppe de l'aérostat. Pendant le mois de juillet, les froids furent intenses, mais on n'épargna ni le bois ni le charbon. Cyrus Smith avait installé une seconde cheminée dans la grande salle, et c'était là que se passaient les longues soirées. Causerie pendant que l'on travaillait, lecture quand les mains restaient oisives, et le temps s'écoulait avec profit pour tout le monde. C'était une vraie jouissance pour les colons, quand de cette salle bien éclairée de bougies, bien chauffée de houille, après un dîner réconfortant, le café de sureau fumant dans la tasse, les pipes s'empanachant d'une odorante fumée, ils entendaient la tempête mugir au dehors. Ils eussent éprouvé un bien-être complet, si le bien-être pouvait jamais exister pour qui est loin de ses semblables et sans communication possible avec eux. Ils causaient toujours de leur pays, des amis qu'ils avaient laissés, de cette grandeur de la République américaine dont l'influence ne pouvait que s'accroître, et Cyrus Smith, qui avait été très mêlé aux affaires de l'Union, intéressait vivement ses auditeurs par ses récits, ses aperçus et ses pronostics. Il arriva un jour que Gédéon Spilett fut amené à lui dire « Mais enfin, mon cher Cyrus, tout ce mouvement industriel et commercial auquel vous prédisez une progression constante, est-ce qu'il ne court pas le danger d'être absolument arrêté tôt ou tard ?»« Arrêté? Et par quoi ?»« Mais par le manque de ce charbon qu'on peut justement appeler le plus précieux des minéraux. » « Oui, le plus précieux, en effet, répondit l'ingénieur, et il semble que la nature ait voulu constater qu'il l'était, en faisant le diamant, qui n'est uniquement que du carbone pur cristallisé. Vous ne voulez pas dire, monsieur Cyrus, répartit Pencroff, qu'on brûlera du diamant en guise de houille dans les foyers des chaudières ?»« Non, mon ami, répondit Cyrus Smith. Cependant, j'insiste, reprit Gédéon Spilett. Vous ne niez pas qu'un jour le charbon sera entièrement consommé. Oh, les gisements houillers sont encore considérables, et les 100 000 ouvriers qui leur arrachent annuellement 100 millions de quintaux métriques ne sont pas prêts de les avoir épuisés. Avec la proportion croissante de la consommation du charbon de terre, répondit Gédéon Spilett, on peut prévoir que ces 100 000 ouvriers seront bientôt 200 000 et que l'extraction sera doublée. Sans doute, mais après les gisements d'Europe, que de nouvelles machines permettront bientôt d'exploiter plus à fond, les houillères d'Amérique et d'Australie fourniront longtemps encore à la consommation de l'industrie. Combien de temps ? Demanda le reporter. Au moins 250 ou 300 ans. C'est rassurant pour nous, répondit Pencroff, mais inquiétant pour nos arrière-petits-cousins. On trouvera autre chose, dit Herbert. Il faut l'espérer, répondit Gédéon Spilett, car enfin, sans charbon, plus de machines, et sans machines, plus de chemin de fer, plus de bateaux à vapeur, plus d'usines, plus rien de ce qu'exige le progrès de la vie moderne. Mais que trouvera-t-on ? Demanda Pencroff. L'imaginez-vous, monsieur Cyrus ? À peu près, mon ami. Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ? L'eau, répondit Cyrus Smith. L'eau ? S'écria Pencroff. L'eau pour chauffer les bateaux à vapeur et les locomotives ? L'eau pour chauffer l'eau ? Oui, mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, répondit Cyrus Smith, et décomposée sans doute par l'électricité, qui sera devenue alors une force puissante et maniable, car toutes les grandes découvertes, par une loi inexplicable, semblent concorder et se compléter au même moment. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu de charbon, seront chargées de ces deux gaz comprimés qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira aux besoins de ses habitants, et ils ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur, pas plus qu'ils ne manqueront des productions des règnes végétales, minérales ou animales. Je crois donc que lorsque les gisements de houille seront épuisés, on chauffera, et on se chauffera avec de l'eau. L'eau est le charbon de l'avenir. Je voudrais voir cela, dit le marin. Tu t'es levé trop tôt, Pencroff, répondit Nab, qui n'intervint que par ces mots dans la conversation. Toutefois, ce ne furent pas les paroles de Nab qui terminèrent la conversation, mais bien les aboiements de Top qui éclatèrent de nouveau avec cette intonation étrange dont s'était déjà préoccupé l'ingénieur. En même temps, Top recommençait à tourner autour de l'orifice du puits qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir intérieur. Qu'est-ce que Top a donc encore à aboyer ainsi ? Demanda Pencroff. Et Jup a grogné de cette façon, ajouta Harbert. En effet, Laurent, se joignant au chien, donnait des signes non équivoques d'agitation, et, détail singulier, ces deux animaux paraissaient être plutôt inquiets qu'irrités. Il est évident, dit Gédéon Spilett, que ce puits est en communication directe avec la mer, et que quelque animal marin vient de temps en temps respirer au fond. C'est évident, répondit le marin, et il n'y a pas d'autre explication à donner. Allons, silence, Top, ajouta Pencroff en se tournant vers le chien. Et toi, Jup, à ta chambre. Le singe et le chien se turent, Jup retourna se coucher, mais Top resta dans le salon, et il continua à faire entendre de sourds grognements pendant toute la soirée. Il ne fut plus question de l'incident qui, cependant, assombrit le front de l'ingénieur. Pendant le reste du mois de juillet, il y eut des alternatives de pluie et de froid. La température ne s'abaissa pas autant que pendant le précédent hiver, et son maximum ne dépassa pas 8 degrés Fahrenheit. c'est-à-dire 13 degrés centigrades au-dessous de zéro. Mais si cet hiver fut moins froid, du moins fut-il plus troublé par les tempêtes et les coups de vent. Il y eut encore de violents assauts de la mer qui compromirent plus d'une fois les cheminées. C'était à croire qu'un raz de marée, provoqué par quelque commotion sous-marine, soulevait ces lames monstrueuses et les précipitait sur la muraille de Granite House. Lorsque les colons, penchés à leurs fenêtres, observaient ces énormes masses d'eau qui se brisaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient qu'admirer le magnifique spectacle de cette impuissante fureur de l'océan. Les flots rebondissaient en écume éblouissante. La grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation, et le massif semblait émerger de la mer elle-même, dont les embruns s'élevaient à une hauteur de plus de 100 pieds. Pendant ces tempêtes, il était difficile de s'aventurer sur les routes de l'île, dangereux même, car les chutes d'arbres y étaient fréquentes. Cependant, les colons ne laissèrent jamais passer une semaine sans aller visiter le corral. Heureusement, cette enceinte, abritée par le contrefort sud-est du mont Franklin, ne souffrit pas trop des violences de l'ouragan, qui épargna ses arbres, ses hangars, sa palissade. Mais la basse-cour établie sur le plateau de grande vue, et par conséquent directement exposée aux coups du vent d'est, eut à subir des dégâts assez considérables. Le pigeonnier fut décoiffé 2 fois, et la barrière s'abattit également. Tout cela demandait à être refait d'une façon plus solide, car, on le voyait clairement, l'île Lincoln était située dans les parages les plus mauvais du Pacifique. Il semblait vraiment qu'elle formât le point central de vastes cyclones, qui la fouettaient comme fait le fouet de la toupie. Seulement, ici, c'était la toupie qui était immobile et le fouet qui tournait. Pendant la première semaine du mois d'août, les rafales s'apaisèrent peu à peu et l'atmosphère recouvra un calme qu'elle semblait avoir à jamais perdu. Avec le calme, la température s'abaissa, le froid redevint très vif et la colonne thermométrique tomba à 8 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, soit 22 degrés centigrades au-dessous de zéro. Le 3 août, une excursion, projetée depuis quelques jours, fut faite dans le sud-est de l'île, vers le marais des Tadornes. Les chasseurs étaient tentés par tout le gibier aquatique qui établissait là ses quartiers d'hiver. Canards sauvages, bécassines, pilets, sarcelles, grèbes y abondaient, et il fut décidé qu'un jour serait consacré à une expédition contre ces volatiles. Non seulement Gédéon Spilett et Harbert, mais aussi Pencroff et Nab, prirent part à l'expédition. Seul Cyrus Smith, prétextant quelque travail, ne se joignit point à eux et demeura à Granite House. Les chasseurs prirent donc la route de Port Ballon pour se rendre au marais, après avoir promis d'être revenus le soir. Top et Jup les accompagnaient. Dès qu'ils eurent passé le pont de la Mercy, l'ingénieur le releva et revint, avec la pensée de mettre à exécution un projet pour lequel il voulait être seul. Or, ce projet, c'était d'explorer minutieusement ce puits intérieur dont l'orifice s'ouvrait au niveau du couloir de Granite House et qui communiquait avec la mer, puisqu'autrefois il servait de passage aux eaux du lac. Pourquoi Top tournait-il si souvent autour de cet orifice? Pourquoi laissait-il échapper de si étranges aboiements quand une sorte d'inquiétude le ramenait vers ce puits? Pourquoi Jup se joignait-il à Top dans une sorte d'anxiété commune? Ce puits avait-il d'autres branchements que la communication verticale avec la mer? Se ramifiait-il vers d'autres portions de l'île? Voilà ce que Cyrus Smith voulait savoir, et, d'abord, être seul à savoir. Il avait donc résolu de tenter l'exploration du puits pendant une absence de ses compagnons, et l'occasion se présentait de le faire. Il était facile de descendre jusqu'au fond du puits, en employant l'échelle de corde qui ne servait plus depuis l'installation de l'ascenseur et dont la longueur était suffisante. C'est ce que fit l'ingénieur. Il traîna l'échelle jusqu'à ce trou, dont le diamètre mesurait 6 pieds environ, et il la laissa se dérouler après avoir solidement attaché son extrémité supérieure. Puis, ayant allumé une lanterne, pris un revolver et passé un coutelas à sa ceinture, il commença à descendre les premiers échelons. Partout, la paroi était pleine. Mais quelques saillies du roc se dressaient de distance en distance, et, au moyen de ces saillies, il eût été réellement possible à un être agile de s'élever jusqu'à l'orifice du puits. C'est une remarque que fit l'ingénieur. Mais en promenant avec soin sa lanterne sur ces saillies, il ne trouva aucune empreinte, aucune cassure, qui pût donner à penser qu'elles eussent servi à une escalade ancienne ou récente. Cyrus Smith descendit plus profondément en éclairant tous les points de la paroi. Il n'y vit rien de suspect. Lorsque l'ingénieur eut atteint les derniers échelons, il sentit la surface de l'eau, qui était alors parfaitement calme. Ni à son niveau, ni dans aucune autre partie du puits, ne s'ouvrait aucun couloir latéral qui pût se ramifier à l'intérieur du massif. La muraille, que Cyrus Smith frappa du manche de son coutelas, sonnait le plein. C'était un granit compact, à travers lequel nul être vivant ne pouvait se frayer un chemin. Pour arriver au fond du puits, et s'élever ensuite jusqu'à son orifice, il fallait nécessairement passer par ce canal, toujours immergé, qui le mettrait en communication avec la mer à travers le sous-sol rocheux de la grève, et cela n'était possible qu'à des animaux marins. Quant à la question de savoir où aboutissait ce canal, en quel point du littoral et à quelle profondeur sous les flots, on ne pouvait la résoudre. Donc, Cyrus Smith, ayant terminé son exploration, remonta, retira l'échelle, recouvrit l'orifice du puits et revint tout pensif à la grande salle de Granite House en se disant « Je n'ai rien vu, et pourtant, il y a quelque chose ».